quand tu t'approches de moi, quand ton parfum s'envole autour de toi. J'ai mal à la tête et je me sens perdu quand tu t'éloignes de moi, quand mon chagrin s'engouffre dans ma voix. Je me sens si mal quand tu t'en vas. J'aurais bien aimé savoir si tu m'aimes un peu. Me vois-tu? Je n'ose y croire. Heureux, je me sens perdu quand je regarde tes yeux, cherchant un peu de chaleur dans ton cœur. Ne trouvant jamais rien. Tu es là.